TRX on the track. On s'efforce de toujours on doit faire les notes. J'ai souffert, je le théorème du caniveau. Pas besoin d'être beau. Des millions d'euros. Dieu merci, j'ai fait tout ça sans prendre des rangs. J'ai plus le whisky, cette bande de Fendero. Pas besoin d'être beau. Un pied dans le din, un pied dans le sale, sale comble incontestable, sale qu'on fait voir tes stats. Je me sens seul même dans un stade, stade mondial, star instable, comme un fan sur un star. La souffrance émane de moi, je me cache dans les murs tout comme ma mare. Guette au-delà de la haute mare, balle dans la tête quand t'en as marre. Nous sommes les enfants de Janana, défense de la main tant qu'on en a. Ne m'attends pas, je vais rentrer tard, sur ce coup-là tu ne m'échapperas pas. Je suis dans la rue comme Moussa Fata, j'espère que tu captes mon charabia. Dans l'histoire, je suis le bâtard, non je me plains pas, non je chipote pas. Je suis le blédard dans une malle, dans le détroit de Gibraltar. Et confiance c'est mon dada, je charge mon couplet comme un âne. C'est le père face à Gohan, entends-tu les cris que pousse mon âme. On s'efforce de toujours, on doit faire les notes. J'ai souffert, je suis le théorème du caniveau. Pas besoin d'être beau. Des millions d'euros. Dieu merci, j'ai fait tout ça sans prendre des rangs. J'ai pu risquer cette bande de Fendero. Pas besoin d'être beau. Toujours art, pas besoin d'être beau. Y'a des métaux, pas besoin d'être faux. Résine en guise de son médico. SQ8 en guise d'écurie. Y'a plus de 4 changements, je suis carrefour. Je suis la zite, plus je crains moi la pénurie. J'ai fait tronc-lit sur tronc-lit, on charbonnait t'étais dans ton lit. On charbonnait de midi à midi. Bénéfice c'est vrai, mais pas que des bons côtés dans la bibi. Des pertes, des enquêtes et des décisions. En fait, ce qui m'est fait, c'est savoir que mes marmots vont grandir dans un monde qui part à la dérive. Putain, je leur ai donné. Faudra charbonner 100 fois plus pour être sommé. Je suis rentré sans sonner. Y'a des piranhas, mais je suis bien entouré. Des petits siliconais. Moi, je suis rentré dans le truc que pour la monnaie. Mais vu son goût, je suis abonné. J'ai connu la haine, personne pourra me raisonner. Souvent entendu dire que les derniers finissent premiers. Ça veut pas dire d'or et ça tombera du pommier. On s'efforce de toujours, on doit faire les notes. J'ai souffert, j'suis le théorème du caniveau. Pas besoin d'être bon. Des millions d'euros. Dieu merci, j'ai fait tout ça sans prendre des rangs. J'ai pu vesquer cette bande de Fendero. Pas besoin d'être bon.